sais que toute ma vie, je n'oublierai jamais ce bel après-midi au soleil de janvier. C'était tellement génial que j'en tremblote encore. Je suis rentré tout sale et maintenant je m'endors. C'est vraiment fatigant de courir tout le jour. Mais qu'est-ce que c'est marrant de faire le gros balourd. J'ai sauté dans les feuilles et j'ai mangé des pierres, chassé les écureuils et la bourre et la terre. Je vis pour lui, mon Seigneur chéri, maître ami. Broyer des bâtons, mordiller les chevilles d'un vilain vieux mouton. Je suis le plus heureux, pour ça je remercie mon vénérable Dieu, mon maître à moi chéri. Il est si formidable, je l'aime plus que ma vie. Je veux être admirable, parfois je réussis à gagner une caresse entre mes deux oreilles. Même si je tire en laisse, j'écoute les bons conseils. Je vis pour lui, mon Seigneur chéri, mon maître ami. C'est gentil, je sais que dans une heure je jouirai des papilles, la truffe dans mon bonheur. Elle sait très bien comment me faire danser du cul le soir en me versant de raffinés menus. Croquettes croustillantes au délicat fumé, subtil parfum de fiente et viande faisandée. Après ce doux festin, j'irai me promener et m'enivrer enfin des urines du quartier. Je vis pour lui, mon Seigneur chéri, mon maître ami. Au moins toute une journée, pour un bout de fromage, je peux être parfait. Quand j'étais tout petit, il fallait que je bouffe. Je faisais des confettis de toutes les pantoufles. Maintenant je suis grand, j'ai 3 ans et 2 mois. Je protège mes parents, c'est un peu moi le roi. Je suis le plus heureux, pour ça je remercie mon vénérable Dieu, mon maître à moi chéri. Je...